puis Paso Doble, et puis juste après, il s'appelle John Williams. Dans cette immense ronde, ça donc juste après cette chanson, on vous laisse avec trois morceaux de country. Cause I'm so afraid of losing you again. I'm sorry.

descubrir. E vais juntinho, sou-me a sempre vou tirar. É flash, flash pra cá, é flash, flash pra lá. Vem tirar uma selfie que eu quero publicar. É flash, flash pra cá, é flash, flash pra lá. Vem tirar uma selfie, vamos ver o que isto dá. Então vamos lá todos tirar uma selfie. D'accordéon. La première c'est Arletty et la deuxième André Verschuren. En passant par Grand Bornand, il y a des bonniettes, il y a des bonniettes. En passant par Grand Bornand, il y a des bonniettes pour le matin. Il y a des bonniettes, il y a des bonniettes, il y a des bonniettes pour les enfants. Il y a des bonniettes, il y a des bonniettes, il y a des bonniettes pour les parents. Y a des bonniettes, en passant par la Clusa. Y a des bonniettes, nous on aime ça. Y a des bonniettes, y a des bonniettes, y a des bonniettes à la Clusa. Y a des bonniettes, y a des bonniettes, y a des bonniettes, nous on aime ça. sussurre mon cœur. Et tes fausses dents, tes oreilles de lapin, tes yeux de coquette. Tu as beaucoup d'argent. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Tu es le chouchou de mes rêves. Tu es le chouchou de mon cœur. Pour aujourd'hui et puis pour demain, donc à partir de 17h jusqu'à 19h, vous allez retrouver Vanguin avec Alfred Hort. Demain sera mercredi à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor Portial, le Forestien. Juste dans l'après-midi, juste après, à partir de 14h jusqu'à 16h avec Gloria, avec Musica Gloria. Et puis en soirée, à partir de 17h jusqu'à 19h30, eh bien, vous allez retrouver Travis Mell avec Violette. C'est tout simplement, il s'appelle Juliette Gréco. Et puis juste après, d'autres chansons différentes comme Joss Crowman. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Vide. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Mais ne soyez pas comme tous les hommes. Et d'abord le regard, plus tendu par les loudes, ne doit pas être rude.

jour la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tout soit loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes. Tu as une soeur qui Voici donc qu'elle s'appelle tout simplement Lauren Bach, le titre La Paix. La paix, la paix. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. Voici donc Chris Adams, et puis juste après, c'est tout simplement des chansons que vous connaissez, c'est tout simplement... Vous verrez tout à l'heure, vous verrez. Je suis toujours dans tes yeux, like the blue in the sky. Heaven with we are both. Le titre s'appelle Tiago, vous verrez après. Only with you I want to stay. Un samedi soir comme les autres, nos regards se sont croisés. Je ne dois pas faire de fausses notes, et je dois rester là. Je reste là figé. Let me tell you that you touch my heart. Laisse-moi te dire que je pense toujours à toi. Let me tell you that you touch my heart. Laisse-moi te dire que je te veux près de moi. Toujours dans mes rêves, je ne veux plus me réveiller. Feeling your body against my body, hugs and kisses make me alive. Oh, I'm present when you move your body. Oh, your sexy body calls me. Body calls me and pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Let me tell you that you touch my heart. Laisse-moi te dire que je pense toujours à toi. Let me tell you that you touch my heart. Laisse-moi te dire que je te veux près de moi. Baby, I want you near me. Oh, but please wait for me. Every kiss you give me, never let me down, my baby. J'ai au bout du monde, il me rend plus fort. Ton amour me rend plus fort. Et je n'ai jamais vu un si joli visage. Et comment rester sage? Oh, papa, papa, papa. Je te ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Aussi de moi, dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis

Hoje você é com a minha amiga, vou para um bar. Essa curtição, esse batidão me faz dormir. Quando aumenta o som, elas ficam loucas para dançar. Ninguém vai dormir, ninguém vai descansar. Ninguém vai dormir, ninguém vai descansar. É fim de semana e tudo pode acontecer. No farol bodó, ninguém para de se mexer. O bar está bom e vai ser melhor quando te beijar. Eu quero ir para tua casa quando a festa acabar. Quero ir para tua casa quando a festa acabar. É sexta-feira, é sexta-feira. Fim de semana chegou e vai ter brincadeira. É sexta-feira, é sexta-feira. Vai ser curtição e vai ser festa a noite inteira. É sexta-feira, é sexta-feira. Fim de semana chegou e vai ter brincadeira. É sexta-feira, é sexta-feira. Vai ser curtição e vai ser festa a noite inteira. Hoje você e com a minha amiga vão para um bar. Essa curtição, esse batidão me faz delirar. Quando aumenta o som, elas ficam loucas para dançar. Ninguém vai dormir, ninguém vai descansar. Ninguém vai dormir, ninguém vai descansar. É fim de semana e tudo pode acontecer. No forró bodó, ninguém para de se mexer. O bar está bom e vai ser melhor quando te beijar. Eu quero ir para tua casa quando a festa acabar. Quero ir para tua casa quando a festa acabar. É sexta-feira, é sexta-feira. Fim de semana chegou e vai ter brincadeira. É sexta-feira, é sexta-feira. Vai ser curtição e vai ser festa a noite inteira. É sexta-feira, é sexta-feira. Fim de semana chegou e vai ter brincadeira. É sexta-feira, é sexta-feira. Vai ser curtição e vai ser festa a noite inteira. É sexta-feira, é sexta-feira. É sexta-feira, é sexta-feira. É sexta-feira, é sexta-feira. Fim de semana chegou e vai ter brincadeira. É sexta-feira, é sexta-feira. Vai ser curtição e vai ser festa a noite inteira. É sexta-feira, é sexta-feira. É sexta-feira, é sexta-feira. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Et on change de musique avec, voici, le Tirol. Mädels aus dem Feierball, sang die Leute, die macht man halt. Hast du das Tanzen sehen, ist es schnell und dich geschehen. Schau, bist aus Amerika, wenn das ganz wunderbar. Fischer von der Warte kann, halten uns für interessant. Bayern Mädels, die sind so lustiger als anderswo. Bayern Mädels sind gut drauf, schau mal mit den Füßen auf. Bayern Mädels sind ein Hit, ganz schön an den Singen mit. Io che bellissima, schwärmt man in Italia, in Paris und in Brüssel, wie man bei Schnappwurzel. Man weiß auch in Tokio, Bayern-Mädels sind du hoch. Voilà, donc on se retrouvera prochainement, donc mardi prochain, donc entre 14h, pardon, entre 13h30 jusqu'à 16h pour l'émission.